Exercice 6, page 136. A. C'est votre valise? B. C'est votre voiture? C. C'est votre vélo? D. Ce sont vos bateaux? E. Ce sont vos bureaux? F. Ce sont vos ballons?